Bonjour, je suis le professeur Daniel Thomas, cardiologue. Je suis ancien président de la Fédération française de cardiologie et nous allons aujourd'hui parler du tabac qui est un facteur primordial dans la prévention cardiovasculaire. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie à retrouver sur toutes les plateformes et sur www.fedecardio.org. Il y avait naguère l'horloge de la fin du monde pour mesurer le danger d'apocalypse nucléaire qui planait sur l'humanité et qui pourrait conduire à son extinction. Horloge qui d'ailleurs existe encore, il est à l'heure actuelle 23h58-20, soit 100 secondes avant notre destruction totale. Il y a maintenant une autre forme de décompte, écologique celui-là, pour mesurer ce qui nous sépare d'un effondrement global de notre planète avec les conséquences gravissimes qui s'en suivraient. Ce sont les limites planétaires, elles sont au nombre de 9. Eh bien figurez-vous que fin avril, nous venons de franchir la 6. Limite planétaire, on dépasse les bornes, c'est le programme écologique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre ce que sont ces limites planétaires, ce qu'elles mesurent précisément, comment elles sont établies, et discerner ce que peuvent être les limites de ces limites, j'ai le plaisir de recevoir en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Saint-Étienne-Loire, Natacha Gondran, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'école des mines Saint-Étienne, membre de l'unité environnement, ville, société. Et depuis les studios de nos camarades de France Bleu, Pays de Savoie, Chambéry, Aurélien Bouteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur associé à l'unité environnement, ville, société. Vous êtes tous deux co-auteurs de l'ouvrage Les limites planétaires aux éditions de La Découverte. Si un jour ces 9 limites sont franchies et que l'apocalypse environnementale s'abat sur le monde, c'est elle qui vous l'annoncera en premier. Quel honneur. La ruspice du monde de demain, Natacha Triou. Bonjour Nicolas. De science. Bonjour Natacha. Et on commence ce journal avec le dernier rapport du WWF. Le gaspillage alimentaire est beaucoup plus grave que nous le pensions. Et ce rapport s'intitule « L'Europe dévore la planète » et il tire la sonnette d'alarme sur un phénomène massif qui a été un peu ignoré. Face à des grandes questions de gaspillage, qui concernent essentiellement la consommation des ménages ou le secteur de la distribution, les auteurs attirent notre attention sur les pertes alimentaires au stade agricole. Dans les champs, dans les parcelles, dans les fermes, partout où la nourriture est produite. Ils ont compilé un grand nombre d'études scientifiques et des rapports techniques qui leur permettent de revoir le chiffre global connu sur le gaspillage alimentaire au niveau mondial. Nous pensions que 30% de la production alimentaire passait à la poubelle. Selon ce rapport, 40% des aliments produits dans le monde ne sont jamais consommés. Barbara Redlingshofer est ingénieure d'études à l'INRAE. Selon elle, il est urgent de réformer nos systèmes alimentaires. On a besoin de faire attention à ce secteur-là qui était un petit peu mis de côté ces dernières années. Et c'est vrai que les Nations Unies qui ont fixé les objectifs de développement durable en 2015 avaient bien porté un objectif chiffré sur la partie gaspillage au stade de la distribution et de la consommation, alors que sur les stades avant la distribution, donc la transformation dans les industries et aussi l'agriculture, il n'y avait pas d'objectif chiffré. Et vraiment la phase au champ même, cette partie-là a même été exclue des objectifs de réduction. Et ceci parce que à ce stade-là, c'est vraiment d'une part difficile à mesurer, difficile à compiler les données. Aujourd'hui, on commence à mesurer les pertes et gaspillages au moment où on récolte les plantes qui fournissent nos denrées alimentaires. Les causes sont vraiment multiples parce que effectivement, entre les fruits et légumes, les céréales, la viande, les produits laitiers, les sources de pertes sont vraiment très différentes et ça veut dire aussi que les solutions sont différentes. En gros, il y a des variables qui viennent de la météo, des facteurs plus environnementaux, on pourrait dire. Après, dans le secteur des fruits et légumes, c'est un peu différent. Alors, on a les cahiers des charges qui sont exigeantes pour mettre sur le marché des fruits et des légumes qui correspondent à des qualités qui sont bien définies. Un phénomène qu'on rencontre peu ailleurs, c'est que parfois les récoltes ne sont pas récoltées. Ça veut dire un agriculteur, il doit parfois faire le choix de laisser au champ parce qu'il ne pourrait pas avoir un prix rémunérateur. Et ça, ça contribue aux pertes et gaspillages dans ce secteur-là. Ce type de rapport est vraiment utile parce qu'il nous permet, nous, chercheurs, d'avoir des éléments concrets pour dire, ben là, faut y aller. Mais encore une fois, la complexité de la thématique, du fait que entre pays du Nord, pays du Sud, les problématiques sont pas forcément les mêmes. En fonction des catégories de produits et des types d'acteurs qui sont en jeu, on a besoin de solutions adaptées. Ça demande vraiment une feuille de route qui doit être ambitieuse et bien dotée pour les chercheurs. Voilà, et si vous voulez retrouver ce rapport dans son intégralité, nous en postons le lien, comme chaque jour, sur notre fil Twitter, @laméthodefc, lien à retrouver sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. L'Angleterre s'apprête à légiférer pour accélérer le développement de produits génétiquement modifiés. Et suite au Brexit, le Royaume-Uni s'est émancipé de la législation européenne protectrice sur les OGM. Un projet de loi sur la technologie génétique est présenté aujourd'hui au Parlement anglais. Si la loi est votée, l'Angleterre pourra dorénavant développer, cultiver et commercialiser des cultures génétiquement modifiées. Pour le moment, cela ne concerne que les plantes, pas encore le bétail. Et l'argument est celui d'accroître la sécurité alimentaire du pays avec l'idée de rendre les productions plus résilientes face au changement climatique, plus résistantes face aux ravageurs en évitant les pesticides et pour augmenter les rendements. Selon une étude parue dans la revue Nature Chemical Biology, les coraux fabriquent un composé anticancéreux. Une équipe américaine a découvert qu'une espèce de corail au large de la Floride produit, pour se protéger des prédateurs, de l'héloterobine, un composé actif contre les cellules cancéreuses qui inhibent leur croissance. Les chercheurs ont ensuite séquencé le génome de ces coraux pour identifier les gènes impliqués dans la fabrication de ce composé. Ils ont ensuite modifié génétiquement des bactéries pour synthétiser de l'héloterobine. Ils ont pu reproduire les premières étapes de cette fabrication. Les auteurs espèrent aller au bout de cette synthétisation pour pouvoir développer des médicaments à usage clinique. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Microbiology Spectrum, des bactéries se sont adaptées pour survivre dans du venin. Et cette découverte vient bouleverser un dogme. Le venin n'est ni stérile ni antimicrobien. On savait pourtant que 75% des victimes de morsures de serpents développent par la suite des infections. Une équipe internationale a analysé le microbiome de venin de 5 espèces de serpents, dont le cobra cracheur à cou noir, et de 2 espèces d'araignées, dont la mygale ornementale indienne. Ils ont découvert la présence d'une bactérie, Enterococcus faecalis. Après avoir séquencé son ADN, les chercheurs ont découvert qu'elle avait muté 2 fois au cours de son évolution pour s'adapter à cet environnement extrême. Encore des qualités insoupçonnées de vos amis les araignées. Merci beaucoup, Natacha, et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Cette année, ce n'est pas une, mais 2 limites planétaires qui ont été franchies. La première, au mois de janvier, les chercheurs du Stockholm Resilience Center estiment que la pollution par les matières plastiques et les produits chimiques, ce qu'ils appellent les nouvelles entités, a été largement dépassée. Et fin avril, eh bien, c'est une 6e limite qui est tombée, celle du cycle de l'eau douce, et plus précisément l'eau verte, celle qui est issue de l'humidité des sols et de l'évaporation. S'il est indiscutable que la dégradation de notre environnement va en s'empirant, à quoi donc servent concrètement ces limites et ce nouveau système d'alerte? À quoi correspondent d'ailleurs ces limites? Que se passe-t-il une fois qu'elles ont été dépassées? Si ce système de limites planétaires a été créé, et on va en reparler, en 2009, la compréhension collective que la Terre est limitée et que l'activité humaine est globalement nuisible à l'environnement remonte bien plus loin, mais elle a été formalisée dans les années 70 avec un rapport, le rapport Meadows, premier rapport du MIT à faire le point sur l'impact de l'activité humaine sur la planète, et c'est notre archive du jour. Il faut dire un mot du rapport qui a été rédigé par un organisme dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle le Club de Rome. 1972. Un rapport scientifique alimente les discussions sur les plateaux télé. Le rapport Meadows. L'idée centrale du rapport est que, contrairement à ce que l'on a pu penser jusqu'à présent, la Terre est limitée. L'alerte est lancée, la planète est en danger. À l'origine du rapport, le Club de Rome, un groupe de réflexion internationale réunissant scientifiques, économistes et industriels. À cette époque, la société de consommation explose et la crise pétrolière se dessine. La croissance industrielle et économique inquiète. C'est à la demande d'un groupe multinational de scientifiques et d'industriels, le Club de Rome, que les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, le MIT, se sont mis au travail. Ils ont fait parler l'ordinateur et grâce à lui, ont pu établir un modèle dynamique des activités humaines à l'échelle planétaire. Cette étude a mis en relief les tendances les plus inquiétantes de notre développement et leurs interactions. Pour les auteurs du rapport, les conclusions sont claires. Dévorée par sa soif de croissance, l'humanité court à sa perte. Aurelio Peccei est le fondateur du Club de Rome. Pour lui, il y avait urgence à agir. C'est cet équilibre entre population, production, ressources, espaces disponibles qu'il faut trouver, et trouver assez rapidement. Sinon, si nous ne faisons pas ça, les prochaines générations devront payer notre imprévoyance et notre égoïsme. Vision pessimiste de l'avenir qui ne convainc pas tout le monde à l'époque. Parmi les sceptiques, le ministre de l'économie français, Valéry Giscard d'Estaing. Alors, les théoriciens de cette doctrine en tirent une conclusion simple, qui est « il faut arrêter la croissance ». Je ne suis pas un partisan de ces théories. Pourtant, 50 ans plus tard, ces théories sont plus que jamais à l'ordre du jour. Il n'y a désormais plus aucune place pour le doute selon le dernier rapport du GIEC. Pour agir, c'est maintenant ou jamais. Voilà, extrait d'un documentaire consacré justement à ces limites planétaires. Une réaction, peut-être un mot sur ce rapport Meadows, donc qui a popularisé ou en tout cas qui a rendu pour le grand public cette notion de limite planétaire populaire. Natacha Gondran. Un mot sur le rapport Meadows. Effectivement, le rapport Meadows proposer une première vision systémique des différents paramètres qui peuvent influencer le système Terre, qui est un concept qui va émerger un petit peu plus tard et qui est au centre de la notion des limites planétaires. Pendant tout le XXe siècle, il y a eu un développement scientifique assez intéressant sur les différentes problématiques écologiques et la capacité, en gros, de ce système Terre à pouvoir assimiler ou pas les pollutions que l'humanité va émettre de par ses activités. Mais ces visions étaient souvent vues de façon très très disciplinaire. Il y avait des spécialistes du changement climatique, d'autres de la biodiversité, etc. Et la notion de limite planétaire, qui est un cadre peut-être avant tout pédagogique, est venue se consolider au début des années 2000 sous l'initiative de Jørn Rockström et Will Steven en particulier, Sarah Cornell, qui sont des spécialistes renommés dans différentes disciplines et qui se sont rassemblés avec d'autres scientifiques pour essayer d'établir un cadre commun pour observer les différentes problématiques écologiques. Ce cadre commun se basait sur un concept qui est la notion de seuil critique. Donc la notion de seuil critique, en fait, c'est que quand on atteint un certain niveau de seuil, un écosystème va changer d'état d'équilibre et va avoir un état d'équilibre qui est potentiellement moins riche, moins agréable à vivre pour ses différents habitants. Et si cette notion d'atteinte de seuil critique avait été très bien documentée à l'échelle d'écosystèmes localisés, l'alerte des scientifiques qui se réunissent dans le cadre des limites planétaires était de dire attention, au niveau planétaire aussi, on est en train d'atteindre différents seuils critiques qui font qu'on risque de changer au niveau de notre, entre guillemets, système Terre, de changer d'état d'équilibre. On va revenir justement sur la définition de ce que sont ces limites planétaires, comment elles ont été posées, ce que cela signifie exactement dans quelques instants. Mais Aurélien Bouteau, peut-être un mot justement progressivement sur, depuis le rapport Meadows, la la construction de ce que Natacha Gondron et de ce qu'on appelle aujourd'hui la notion de système Terre et l'idée de dire qu'effectivement il y a un peu à la manière, et c'était mon introduction de l'horloge de l'apocalypse, finalement bien une sorte de compte à rebours qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Finalement, quelle est la vertu initiale de la construction, de l'établissement de cette notion de limite planétaire selon vous? Alors, c'est vrai que si je rebondis rapidement sur l'introduction qui a été faite sur le rapport du Club de Rome, je trouve que ce qui était vraiment intéressant déjà à cette époque, c'est que d'ailleurs la notion d'ordinateur est apparue hein, dans le témoignage qu'on a entendu tout à l'heure. On commence à modéliser, avec le développement des ordinateurs, on commence à faire de la modélisation de systèmes complexes au début des années 70. Et en fait, le cœur du travail du Club de Rome, ça va être de faire une modélisation du ce qu'on va appeler par la suite le système Terre et de ses interactions avec une nouvelle sphère, qui est la sphère, parfois certains vont l'appeler la technosphère, hein, la sphère des activités humaines. Et donc l'idée, c'est d'étudier ces interactions et de montrer que l'intervention humaine va générer un certain nombre de perturbations. Ce qui est intéressant dans l'évolution des années 70 jusqu'à aujourd'hui, c'est que en fait le rapport du Club de Rome, il était quand même beaucoup centré sur la question des ressources. Quand on regarde les débats à l'époque, les débats du XXe siècle sur les questions des limites planétaires sont très tournés sur la limite de la disponibilité des ressources naturelles. Mmh. On va vraiment beaucoup parler de ces questions-là dans les années, en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis, on se rend compte que grâce au développement de la technique, on arrive à repousser ces limites. On va exploiter plus intensivement certaines ressources. Par exemple, les énergies fossiles. On a peur de la disparition des énergies fossiles. Ce qu'on est arrivé à faire, c'est intensifier l'exploitation de ces ressources. Mais alors là, le problème qui est apparu, c'est que la surexploitation de ces ressources, l'intensification de ces ressources, va générer, ce qui était plus difficile à modéliser à l'époque, des déséquilibres dans le fonctionnement des écosystèmes. Alors l'exemple le plus symptomatique, c'est évidemment le climat. Hein. À trop exploiter des énergies fossiles, on va émettre des gaz à effet de serre, et ces gaz à effet de serre vont perturber le fonctionnement de l'écosystème. Et c'est là qu'on voit apparaître une nouvelle limite, plus difficile à qualifier, à quantifier, hein. C'est jusqu'à quel point on peut perturber le fonctionnement du système Terre, par exemple du climat, par exemple d'autres éléments hein, comme la biodiversité, ce qu'on va appeler l'intégrité de la biosphère. Voilà. Donc c'est vraiment là-dessus que dans les années 2000, on va commencer à se focaliser pour essayer de voir de quelle manière on est capable, ou pas d'ailleurs, hein, de fixer des limites à ne pas dépasser dans la perturbation de ces équilibres écosystémiques. C'est vraiment ça que va apporter la plus-value du travail sur les limites planétaires dans les années 2000. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 4h15, nous parlons donc des limites planétaires tout au long de cette heure en compagnie de Natacha Gondron et d'Aurélien Bouteau. Je vais revenir et reposer un peu cette question avant de les lister, ces limites planétaires, rapidement, Natacha Gondron. Finalement, quelle est l'intention initiale de ces équipes de scientifiques qui, en 2009, autour de Johan Rockström et Will Steven notamment, définissent à l'origine les 8, puisqu'on en a ajouté dont on va parler dans quelques minutes en 2015, limites planétaires. Finalement, cet indicateur-là, il est à destination de qui? Quelle est son ambition? Alors, une des intentions importantes, c'est justement cette notion d'interdisciplinarité et de montrer les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes problématiques environnementales. Par exemple, changement climatique qui vient affecter la biodiversité et la biodiversité qui va nous rendre plus vulnérables face au changement climatique. Donc, il y a vraiment cette vision globale qu'on appelle systémique qui est importante. Et l'autre chose qui a été le travail en fait qui a été assez important, c'est justement de fixer ces thèmes de préoccupation qui font l'objet potentiellement de seuils d'irréversibilité. C'était pas connu d'avance en fait. Au début des années 2000, il y avait beaucoup de problématiques environnementales qu'on observait chacun un peu séparément en silo. Et là, l'idée, c'était de définir un cadre commun d'analyse pour l'ensemble de ces problématiques, pour à la fois les mettre en lien les uns avec les autres en montant les risque de, alors on appelle ça de rétroaction positive, c'est-à-dire que on peut aussi parler d'emballement finalement de la dégradation de l'écosystème. Et d'avoir une meilleure connaissance, une meilleure qualification des différentes problématiques, avec toujours cette notion de risque d'atteinte de seuil d'irréversibilité qui nous met face à des risques de basculement écologique et de changement d'état d'équilibre. Alors, vous avez utilisé plein de mots autour desquels on va réfléchir un peu, seuil d'irréversibilité, limites, frontières, points de dépassement, toutes ces choses-là, on va en parler dans un instant. Peut-être pour commencer, Aurélien Boutot, peut-on simplement définir ce que sont, à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, les 9 limites planétaires qui ont été déterminées et où en sommes-nous vis-à-vis de chacune d'entre elles? Est-ce que vous pouvez le faire à deux voix? Je ne sais pas, vous commencez Aurélien Boutot, vous faites les 4 premières et Natacha fera les 5 suivantes. Oui, je veux bien commencer effectivement. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est pas un chiffre qui est défini de manière absolue. Hein. Aujourd'hui, on identifie 9. On verra qu'il y en a une qui est effectivement un peu particulière, qui est une espèce de réservoir de problèmes potentiels. Alors, les deux plus connus, ceux qui sont peut-être les plus documentés, sur lesquels on a le plus travaillé et même politiquement qui sont les plus assimilés, c'est évidemment le changement climatique et puis la biodiversité. Alors, je peux prendre l'exemple du changement climatique pour bien comprendre à la fois ces notions de limites et puisque les scientifiques ont appelé une frontière. C'est quoi la différence entre les deux? En fait, dans un système, on va prendre l'exemple du système climatique, vous avez, comme dans n'importe quel système, hein, vous avez une capacité d'absorption, de choc, de perturbation. C'est ce qu'on appelle des rétroactions négatives. Alors, pour prendre un exemple, si vous augmentez rapidement la quantité de CO2 qui est émise dans l'atmosphère, bah, vous avez des mécanismes de régulation. Par exemple, les océans vont séquestrer une partie de ce CO2 en surplus, ce qui va limiter potentiellement les perturbations du climat. Ça, c'est des rétroactions négatives. Ce qu'on appelle aussi la résilience couramment. En gros, c'est ça, voilà. C'est des capacités de résilience qui sont liées à ces mécanismes amortisseurs, quoi. Et puis, alors, malheureusement, ce qui arrive, c'est que, au bout d'un certain temps, ces amortisseurs, ils peuvent finir par céder, un petit peu à l'image d'un élastique sur lequel on aurait un petit peu trop tiré, hein. Ça, c'est ce qu'on va appeler des rétroactions positives, qui vont se mettre en action. Par exemple, ce qui se passe et ce qu'on commence à constater pour continuer sur cet exemple du climat, en se réchauffant, le permafrost est en train de relarguer dans l'atmosphère des quantités assez importantes de méthane qui était piégé, hein, dans le permafrost. Or, ce méthane, il a un potentiel de réchauffement global qui est beaucoup plus important que le CO2. Et donc, il va augmenter le réchauffement climatique. Et là, dans la littérature scientifique sur le climat, par exemple, on identifie aujourd'hui pas mal de ces mécanismes de rétroaction positive qui sont en train de se mettre en route. Et donc, on sait qu'à partir d'un certain moment, malheureusement, au lieu d'avoir des mécanismes de régulation, on va avoir une espèce de cassure qui nous fait basculer assez rapidement dans un autre fonctionnement, un autre régime climatique. Voilà. Et tout l'enjeu, c'est ça, c'est d'essayer d'identifier où se trouve le point de rupture. Alors, on parle de tipping point, point de bascule, en anglais. Voilà, c'est les points de bascule. Et donc, ce qu'on identifie comme une limite, stricto sensu, ça équivaut à un point de bascule. Si je prends toujours sur cet exemple du climat et pour vous montrer où est-ce qu'on identifie aujourd'hui ce point de bascule, si on prend une variable de contrôle comme le CO2, puisque j'ai pris cet exemple-là, la concentration de CO2 dans l'atmosphère, on sait que, grosso modo, enfin en tout cas les modèles nous montrent que tant qu'on a une teneur en CO2 dans l'atmosphère inférieure à 350 parties par million, le régime climatique de l'Holocène n'est pas remis en cause. Donc le régime climatique de l'Holocène, c'est celui de la dernière ère interglaciaire des 11 000 dernières années. C'est ce qu'on essaye de maintenir en équilibre. Par contre, une fois qu'on franchit ces 350, bah là, les modèles, ils commencent à montrer que ces fameuses rétroactions positives, elles peuvent commencer à se mettre en route. Et donc, on peut franchir un point de bascule. On est sûr qu'au-delà de 500, par exemple, là, on a franchi, on a basculé au-delà, quoi. Donc, quelque part, le tipping point, le point de bascule, il est compris entre 350 et 500. Et aujourd'hui, on est à autour de 410-420. Donc là, on voit bien que typiquement sur cette variable qui est le climat, on est dans cette zone d'incertitude. On peut pas dire, peut-être que c'est déjà trop tard, hein, mais peut-être pas. Donc voilà, on est dans cette zone d'incertitude, on joue un petit peu avec le feu, on a franchi ce que les scientifiques appellent une frontière planétaire, c'est-à-dire la frontière planétaire, c'est la valeur basse de l'incertitude, c'est le fameux 350 ppm. Mmh. Voilà. Pour être absolument sûr de pas perturber de manière irrémédiable le climat, il faudrait rester en dessous de cette frontière planétaire. On l'a passé, ça veut pas dire pour autant qu'on a franchi un tipping point, mais... Oui. peut-être que c'est déjà fait, quoi. Voilà. Ouais, on voit bien dans ce que vous dites la différence entre frontière, limite et ce qui est sous-tendu et ce dont parlait tout à l'heure Natacha Gondran, c'est-à-dire la notion d'irréversibilité sur laquelle on reviendra parce que c'est important. Mais avant, j'aimerais pour les auditrices et les auditeurs qu'on dresse quand même la liste de ces neuf limites. Donc vous avez dit le changement climatique, l'intégrité de la biosphère, c'est-à-dire la biodiversité. Ouais. Le changement d'affectation des sols, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, la déforestation, l'utilisation de l'eau douce, les flux biogéochimiques, en particulier de l'azote et du phosphore, l'acidification des océans, la couche d'ozone stratosphérique. Et l'introduction des nouvelles entités. Voilà. Et puis, il y a les aérosols aussi. Suspension dans l'atmosphère. Oui, c'est ça. Ça fait 9. Ça fait 9. Sur ces 9, on a donc cette frontière. Donc, on a bien compris que c'est la frontière basse à partir duquel on peut arriver au point de bascule. Elle a été dépassée pour le changement climatique, pour la biodiversité, pour la modification de l'occupation des sols, pour ce qu'on appelle donc les nouvelles entités, l'introduction de nouvelles entités dans l'environnement, c'est-à-dire c'est celle qui a d'ailleurs été dépassée au mois de janvier, donc les plastiques, les polluants, les nouvelles molécules finalement qui ne sont pas naturelles et qui perturbent l'environnement, les flots biogéochimiques de l'azote et du phosphore s'est dépassé aussi, et celle qui vient d'être dépassée à l'instant, c'est-à-dire au mois d'avril, c'est celle de l'eau. Natacha Gondran, vous pouvez nous dire un mot de cette sixième limite qui a été a priori franchi? Alors justement, il y a une différence entre avoir franchi la frontière et avoir la connaissance sur le fait qu'on l'a franchi. Typiquement sur l'eau, c'est ce qui s'est passé dans l'étude de 2015. Ce qui était suivi comme variable, c'était l'utilisation de l'eau douce au niveau mondial, donc juste l'utilisation de l'eau de surface. Et là, les scientifiques se sont aperçus que si on ne faisait que suivre l'eau de surface, on passait à côté de tout un pan du cycle de l'eau qui est ce qu'on appelle l'eau entre guillemets verte, qui comprend en fait l'eau qui est contenue dans les précipitations, dans l'humidité, dans les sols et tout ce qui est l'évaporation, donc dans le vivant en fait, toute l'eau qui va par exemple dans les arbres et qui ensuite va s'évaporer. Et sur cet indicateur, c'était assez compliqué de savoir où on en était parce que on n'a pas de d'indicateur et de suivi au quotidien de cette eau dite verte. Et l'étude qui a été publiée récemment a creusé un petit peu les différents indicateurs possibles pour conclure que ce serait possible d'avoir un indicateur sur l'humidité du sol, en particulier parce qu'il y a des modèles qui existent et qui permettent d'estimer cette humidité du sol au niveau de la zone racinaire, en fait, donc là où les arbres vont pouvoir puiser leur eau. Et ils ont mis en évidence un très fort lien entre l'humidité de ce sol et le cycle du carbone, parce que s'il n'y a pas d'eau dans les sols, on n'a pas de croissance des arbres et donc on peut pas avoir de captage de carbone. Et ça, on peut avoir, comme ce qu'expliquait Aurélien tout à l'heure, des boucles de rétroaction positives, c'est-à-dire qu'on a moins d'arbres, donc moins de captage de CO2 et donc plus de changement climatique et donc plus d'aridité. Donc ils ont conclu sur le fait que c'était vraiment important d'essayer de suivre cette variable parce que elle peut faire l'objet d'un seuil. On le voit aux différents niveaux, que ce soit au niveau local ou en particulier, si un sol est trop aride, eh ben on va plus avoir de végétation qui va pousser dessus. Et donc ils ont modélisé, donc c'est basé sur des modèles qui sont effectivement un petit peu complexes, mais il conclut que il faudrait faire davantage de recherches intégrées en fait, parce que c'est un sujet qui est très peu entre guillemets médiatisé aujourd'hui et qui en fait s'avère vraiment central au niveau du cycle du carbone. Et donc en fait, il plaide pour davantage de recherches intégrées qui font le lien entre à la fois les politiques climatiques, l'occupation des terres et les enjeux de l'eau, qui sont trois domaines qui impactent cette humidité des sols. Alors pour essayer de comprendre finalement comment sont fixées ces limites, puisque toutes ces limites se fondent sur des études, voire sur des méta-études, puisque évidemment on connaît la complexité des modèles, notamment des modèles climatiques. Alors imaginez un modèle sur un système Terre, on imagine bien que tout cela met en jeu vraiment un grand nombre de paramètres, et donc nous avons choisi de nous intéresser à l'une de ces limites qui, elle, n'est pas encore franchie, c'est celle de l'acidification des océans. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. On n'est pas loin de la frontière, mais on n'y est pas encore. Et j'ai rencontré Coraline Lesseur, qui est doctorante au laboratoire d'océanographie et du climat à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Son travail de recherche consiste à étudier les séries temporelles du CO2 et du pH dans l'Atlantique Nord et l'océan Indien Sud, lors d'expéditions à bord du navire Marion Dufresne. Pour évaluer l'évolution de l'acidification des océans, plusieurs types de relevés que nous décrit Coraline Lesseur sont réalisés. Elle nous explique comment, à partir de ces relevés de données, s'organise le travail d'interprétation. Un travail d'interprétation qui peut parfois prendre du temps, mais qui permet d'estimer de façon aussi précise que possible cette acidification en cours des océans. J'étudie les séries temporelles de CO2 et de pH dans deux océans qui sont l'Atlantique Nord et l'océan Indien Sud. Et donc on a des séries temporelles qui débutent à la fin des années 90 jusqu'à encore aujourd'hui. Et on va en mer à peu près tous les ans, une à deux fois par an pour prélever. Et donc je regarde l'évolution des paramètres du CO2 et du pH. Alors justement, comment vous travaillez une fois en mer? En quoi consistent concrètement vos observations quand vous êtes sur l'océan? Et quels relevés précis vous allez réaliser, avec quels outils par exemple? Alors, je suis partie plusieurs fois sur le Marion Dufresne, donc c'est dans l'océan Indien Sud et l'océan Austral. On part une fois par an et en fait on a des instruments qui restent à bord d'année en année. Et donc nous on mesure le CO2 atmosphérique et océanique tout au long du trajet du bateau. Donc on part de la Réunion et on va jusqu'aux îles subantarctiques françaises, jusqu'à notre point le plus sud qui est 57 degrés sud. Donc on est quand même assez loin de l'Antarctique. Et on remonte donc sur cette traversée qui dure entre 1 et 2 mois. On a des mesures donc de CO2 à peu près tous les quarts d'heure. Donc, ce qui nous donne un grand flux de données à traiter par la suite. Et on a aussi un autre instrument qui, là, en fait, on va faire des prélèvements dans toute la colonne d'eau. On s'arrête en station, donc on a à peu près une vingtaine de stations fixes par campagne, et donc on y retourne chaque année. Et on déploie un instrument qui s'appelle une rosette, donc où on accroche une vingtaine de grosses bouteilles qui font 12 litres à peu près. On va jusqu'à 1200 mètres de profondeur, mais parfois on va jusqu'au fond, donc 5000 mètres de profondeur. Et on ferme ces bouteilles par un système qui est relié sur le bateau, à différentes profondeurs qu'on sélectionne au préalable. Et ensuite, on fait des petits prélèvements une fois le tout remonté sur le bateau. Et donc, par exemple, on échantillonne pour mesurer les nutriments dans l'eau, les pigments de chlorophylle, mais aussi le carbone total, qui nous serviront par la suite en fait à calculer le pH pour notre étude. Alors, vous êtes doctorante, vous parliez de relevés de données qui s'effectuaient depuis des années. Dans le cadre de votre thèse, est-ce que vous avez constaté une accélération de l'acidification de ces zones océaniques que vous observez? Et si oui, dans quelle mesure cette acidification s'accentue? Alors oui, tout à fait. Moi, sur l'océan Indien Sud, j'ai constaté une acidification qui est bien sûr pas homogène sur toute la zone, mais elle est de l'ordre de ce à quoi on s'attend. Donc par exemple, on a une acidification moyenne de moins 0,002 par an, donc ce qui est ce qu'on observe à l'échelle globale de l'océan, mais on a certaines zones où cette acidification est beaucoup plus marquée, 2 à 3 fois supérieure. Et pour l'instant, dans mes travaux, je ne sais pas l'expliquer. Mais ce pourquoi on est vraiment sûr, c'est que cette acidification est totalement reliée à l'accumulation de carbone d'origine anthropique dans l'océan, donc d'origine humaine, tout ce qu'on émet dans l'atmosphère et qui va ensuite se répartir dans les différents puits dont l'océan a à peu près 25% va causer cette acidification. C'était une question que je comptais vous poser. C'est justement la difficile interprétation de ces données, parce qu'elles sont nombreuses, des quantités importantes. Comment, une fois de retour au labo, vous les interprétez? Quels outils méthodologiques vont vous guider dans l'interprétation de ces données-là? En fait, une fois de retour au labo, on va bien sûr traiter toutes ces données qu'on va recueillir durant ces campagnes océanographiques. Ça va nous prendre entre quelques mois à quelques années, selon le degré de difficulté des données, est-ce qu'on a eu des petits soucis. Et ensuite, il existe des grandes bases de données internationales, comme la base de données SOCAT, où là, nous, le programme Oiseau, on va mettre nos données de pression partielle de CO2 dans cette base de données qui va servir à alimenter notre région. Donc la région de l'océan Indien Sud, elle est majoritairement alimentée par le programme Oiseau. Mais parfois, il y a certains bateaux qui passent par là et qui mesurent aussi le CO2, donc c'est plus ponctuel. Et donc, ces grandes bases de données, donc il y a SOCAT pour la surface et il y a la base de données GLODAP, donc pour les stations, donc là où je vous ai parlé tout à l'heure pour les prélèvements dans la colonne d'eau. Et donc ça va être disponible et gratuit à toute la communauté. Et donc, on va pouvoir ensuite télécharger ces données comme on le souhaite et en faire ce qu'on veut et faire des séries temporelles, répondre à certaines de nos questions. Pour moi, les principaux obstacles à mes recherches, ça va être la compréhension de tout ce qui ne va pas être lié à l'homme. On sait très bien maintenant calculer et estimer la part anthropique du carbone dans l'océan. On sait très bien le faire. Par contre, toute cette partie biologique qui est quand même un petit peu importante, ok, en moindre mesure, mais qui va l'être, on a du mal à la comprendre, à l'appréhender, parce que en fait, on n'est pas sur place toute l'année, on n'est pas sur place du début de la formation d'un bloom phytoplanctonique à la fin. Et donc, en fait, toutes les interrogations, toutes les questions qui restent ouvertes dans nos études, on pense que c'est lié à la biologie, ou en tout cas un changement biologique. Et c'est encore des très grandes questions. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'avenir? C'est y retourner plus souvent, mesurer beaucoup plus de paramètres et essayer de comprendre ce qui se passe pour ensuite pouvoir encore mieux estimer l'acidification des océans et pour pouvoir mieux alimenter les modèles climatiques qui vont prédire comment va évoluer cette acidification dans le futur. Donc, c'est ce à quoi servent nos données. Et donc, pour être vraiment sûr de nos données, il faut savoir les expliquer de A à Z. Voilà donc ces travaux autour de l'une des 9 limites planétaires, celle qui concerne l'acidification des océans, limite non atteinte pour le moment. Une réaction, Natacha Gondron, à ce que vous venez d'entendre? L'acidification des océans, c'est un très bon exemple justement d'interaction, puisque en fait les océans s'acidifient, comme a pu le dire Coraline, parce que l'homme émet beaucoup de CO2 et que quand les océans qui absorbent environ un tiers du CO2 qu'on émet, donc ça nous permet, ces océans nous permettent de gagner en stabilité au niveau du climat, mais on voit bien que rien n'est anodin. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, ça va venir modifier les écosystèmes marins en les acidifiant. Et l'acidification des océans combinée à l'augmentation de la température liée au changement climatique, ça va venir, par exemple, tuer les fameuses grandes barrières de corail. Mmh. Donc ça, c'est assez médiatisé. Mais souvent, ce qu'on sait moins, c'est que ces barrières de corail, elles vont être situées autour d'îles, par exemple, et elles vont servir un peu de brise-vague pour les îles. Elles vont être un facteur de résilience, en fait, pour ces îles. Et si les barrières de corail meurent, les îles vont devenir beaucoup plus vulnérables face aux grosses tempêtes, par exemple, aux ouragans, parce que les vagues ne vont plus être arrêtées. Donc là, on voit bien l'aspect systémique de toute la problématique. Et les boucles de rétroaction positives, une fois de plus. Aurélien Bouteau, une réaction également à ce reportage? Oui, je trouve le reportage très intéressant parce qu'on voit déjà la difficulté qu'il peut y avoir à mesurer une variable, comme la signification des océans. Alors, il y a une autre difficulté qui n'est pas évoquée, mais c'est comment à un moment donné on détermine une frontière, une limite sur cette variable-là. Et là, c'est encore un autre enjeu qui relève des spécialistes. À chaque fois, il y a une discussion qui est quand même assez difficile à mener entre scientifiques pour essayer d'établir ces fameuses limites planétaires, quoi. Eh bien, ça tombe bien parce que ce sont les discussions que nous allons avoir dans quelques minutes dans la deuxième partie de cette émission. Justement, comment définir ces limites? Il y a certaines limites qui sont quantifiables facilement. Par exemple, encore une fois, le nombre de molécules de CO2 atmosphérique en partie par million. On peut dire, on peut modéliser à partir de telles limites, etc. Mais quand on parle, par exemple, effectivement, soit de la biodiversité, soit du changement d'attribution des sols, ou pourquoi pas de la charge d'aérosols dans l'atmosphère, c'est parfois plus difficile de les quantifier. Comment les quantifier? Et puis une fois de plus, pour qui, pourquoi faire? Que se passe-t-il le jour où ces 9 limites sont atteintes? On regarde ces limites atteintes, ou est-ce qu'on arrive à faire quelque chose? À qui s'adresse finalement ce type de modélisation? On en parle dans quelques secondes musicales. Sleep with me, you can dream and drowse, the minutes turn to hours. We could climb a tree or two and watch the sun go down upon our sleepy town. Spent with you, summer went away, and we just weren't the same. It's just you and me alone. No grown up, but no kids. You kiss me on the lips. Last chance to evacuate planet Earth before it is recycled, de Porcupine Tree à 16h40 sur France Culture. Nous parlons, peut-être de ce qui nous arrivera d'ici quelques décennies, évacuer la planète Terre si ces 9 limites planétaires sont dépassées. Les limites planétaires, que sont-elles? Dans quel but? Comment les fixe-t-on? C'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui en compagnie de Natacha Gondran, professeure à l'école des mines Saint-Etienne, membre de l'université Environnement, Ville, Société, et Aurélien Boutot, chercheur associé à l'université Environnement, Ville, Société. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Nous sommes aujourd'hui en ligne avec Quentin Dassiba. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous faites une thèse dans le cadre de l'école doctorale sciences ingénierie santé à Saint-Etienne avec Natacha Gondran. Vous travaillez sur la territorialisation du cadre des limites planétaires. Bienvenue à la recherche montre en main, on vous écoute. Oui, alors contrairement à ce que le titre de ma thèse indique, la territorialisation des limites planétaires, mes travaux ne se réduisent pas juste au passage d'une échelle globale à une échelle locale, parce que quand le cadre des limites planétaires sert d'outil aux politiques environnementales sur un territoire, il se produit une série de transferts entre la connaissance scientifique, le pilotage technique et l'action politique. Donc pour passer du global au local, il existe déjà de nombreuses méthodes dans la littérature scientifique sur les limites planétaires. Mais en revanche, il n'y a pas de travaux qui s'intéressent à la circulation de ce cadre entre le champ scientifique, le champ technique et le champ politique. Ce qui est bien dommage car ça permettrait d'identifier les freins et les leviers à la mise en œuvre d'une pensée des limites planétaires sur un territoire et d'acculturer au passage les acteurs du territoire à cette pensée. Donc cette question de la circulation d'un objet scientifique entre des champs différents, Bon, s'insère évidemment dans la réflexion plus large sur les rapports entre science et société, mais elle m'est venue quand je travaillais sur mon mémoire de master en fin de cycle d'école d'ingénieur, un moment où je cherchais à savoir si le territoire sur lequel je travaille, donc le sud du département de la Loire, entre Saint-Étienne et Feurs, avait dépassé ses limites. Et en voulant donc du coup appliquer ces méthodes qu'on appelle de descente d'échelle, qui existent dans la littérature scientifique sur les limites planétaires, je me suis retrouvé confronté à deux difficultés. D'une part, le fait que le système local d'observation environnementale ne produit pas toujours systématiquement les données nécessaires au calcul de ces indicateurs. Et d'autre part, le fait que de nombreuses politiques environnementales existent déjà localement sur l'énergie, sur l'eau, les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité, etc. Mais ces politiques sont pensées en dehors de toute référence à un état environnemental global, donc il n'y a pas de notion de soutenabilité absolue. Et en plus, elles sont mises en œuvre en silo par des acteurs qui ont chacun leur jargon technique et leur méthode de travail. Donc il n'y a pas cette notion non plus de systémique qu'on retrouve dans le cadre des limites planétaires. En fait, ces deux difficultés sont finalement ce qui m'intéresse dans mes recherches actuelles, parce qu'elles soulignent le fait que les enjeux environnementaux sur un territoire sont appropriés et institutionnalisés par des communautés scientifiques, des communautés techniques, politiques, très différentes, et qu'on ne peut pas parler d'une question environnementale sur un territoire, mais il y a bien plusieurs questions qui se posent selon la communauté qu'on regarde. Donc ce sur quoi j'essaie de m'interroger à travers la territorialisation des limites planétaires, c'est sur ces transferts entre communauté constitutive d'un territoire. En fait, le territoire, c'est quelque chose de plus épais qu'une simple réduction d'échelle du global au local. Donc pour ça, je m'appuie sur une méthode qui consiste à, disons, ouvrir les boîtes noires de la statistique environnementale, parce que c'est à travers cette statistique, à travers les chiffres qui sont produits, que les communautés techniques, scientifiques et politiques communiquent entre elles. Donc en ouvrant ces boîtes, j'essaye de rendre compte des conventions, des arbitrages qui se répercutent entre champs et entre communautés. Dans le cadre de cette méthode, j'ai à la fois recours aux outils quantitatifs des sciences de l'environnement et à des méthodologies plus qualitatives issues de la sociologie. Et ce qui m'intéresse au fond à travers ce protocole de recherche, c'est que dans la territorialisation des limites planétaires, il n'y a pas qu'un enjeu d'échelle, mais aussi un enjeu épistémologique, c'est-à-dire de savoir à quel type de science se rattache l'objet limite planétaire territorialisé. Parce que au-delà du passage du global au local, la circulation qui est en jeu entre les champs souligne le passage des sciences qu'on appelle de la métrologie aux sciences de la quantification. En fait, à l'échelle globale, il s'agit de mesurer l'état du système Terre, donc c'est ce que veut dire science de la métrologie, et c'est ce dont parlait Coraline, hein, quand elle mesure son pH et son CO2 dissous. Ce sont des réalités physiques qui existent et qu'on essaye de quantifier. Enfin non, de mesurer précisément, alors qu'à l'échelle locale, il s'agit de quantifier ses limites, c'est-à-dire de construire des modèles qui permettent d'attribuer la contribution du territoire à l'état de dégradation globale du système. Donc à l'échelle locale, on ne mesure plus, mais on quantifie et on projette en fait sur le territoire une réalité qui appelle à l'action, mais qui n'est pas donnée a priori, comme peuvent l'être des grandeurs physiques. Merci beaucoup Quentin Dassiba. Un mot Aurélien Bouteau sur ses travaux et sur le changement d'échelle notamment. Oui, alors c'est vrai que nous on s'est intéressé déjà il y a quelques années à ces questions de territorialisation parce que il y avait une demande de certains acteurs publics locaux qui s'interrogeaient un petit peu sur notre participation local en tant qu'acteur public à ces dépassements planétaires. Il y a eu des travaux aussi à l'échelle nationale et c'est vrai qu'on est vraiment confronté à cette problématique là. Comment on fait pour quantifier la participation d'un territoire à la dégradation ou le dépassement d'une frontière ou d'une limite planétaire. Et c'est alors là effectivement c'est très très très compliqué à faire. On commence à relativement bien le faire sur des champs qui sont développés depuis très longtemps comme le changement climatique, mais même sur le changement climatique, on voit que c'est compliqué parce que même si vous regardez sur un territoire donné quelles sont les émissions directes de gaz à effet de serre du territoire, en fait, vous vous rendez compte que vous passez à côté d'une partie de l'impact, notamment qui est lié au flux de matière, d'énergie qui circulent entre territoires et qui font qu'aujourd'hui, bah, une partie de ce que vous consommez, il est produit à l'autre bout de la planète et il aura émis des gaz à effet de serre à l'autre bout de la planète. Donc on voit que c'est vraiment des jeux comme ça de comptabilité qui sont difficiles à mettre en œuvre. Quoi. Oui, et puis ce qui est intéressant dans ces travaux et puis globalement avec finalement cette proposition de décrire les limites de ce que serait un système Terre et Quentin l'évoquait notamment dans son regard épistémologique justement sur ces notions-là, c'est bien de se dire on manipule finalement des quantités, des notions qui sont tellement importantes, qui sont tellement diffuses à l'échelle de l'ensemble de la planète, des paramètres qui sont tellement nombreux que finalement, Natacha Gondran, on se pose la question non seulement de savoir, et puisque d'ailleurs ce système de limites planétaires a été critiqué par certains chercheurs, je pense notamment à José Montoya qui trouve que les catégories sont mal définies, qu'elles sont inappropriées, qu'elles sont finalement assez peu scientifiques. Ce système-là, il a la vertu d'exister certes, mais pourquoi faire et est-ce qu'il faudrait pas finalement le rendre plus effectif et le rendre plus territorial justement pour pouvoir l'incarner plus pour les personnes ou les acteurs locaux qui, eux, ont la main finalement sur des systèmes locaux territoriaux alors que personne n'a évidemment la main sur le système Terre. Tout à fait, c'est exactement ce que signale dans leur publication, dans la publication phare de Steven et al. 2015 sur les limites planétaires. Ils disent que le cadre n'est pas fait pour être opérationnalisé, pour être territorialisé, mais ils reconnaissent que c'est bien au niveau territorial que se prennent les décisions qui affectent finalement ces fameuses limites planétaires. Donc il y a toute une communauté de personnes qui travaillent sur les questions d'évaluation environnementale, en particulier avec des méthodes telles que l'analyse de cycle de vie, qui cherchent à s'approprier ce cadre pour pouvoir rendre plus compréhensible et encore une fois plus pédagogique des indicateurs qui jusqu'à présent étaient donnés de façon un petit peu juxtaposée où on mettait pas en relation les uns avec les autres. Donc, comme l'a dit Quentin, effectivement, nous, on avait travaillé avec le SCOT Sud-Loire. Le SCOT, c'est un schéma de cohérence et d'organisation territoriale avec l'Agence d'urbanisme Épure de la Loire. Et en essayant de voir comment on pouvait s'approprier ce cadre à l'échelle locale, c'était assez intéressant parce que on s'est aperçu d'une part, comme l'a dit Quentin, que ça réinterrogeait le système de mesure qui existant, mais aussi que ça permettait de donner du sens aux travaux un peu quotidiens des acteurs, que ce soit les techniciens comme les élus, qui ont pour mission de respecter la réglementation, donc de mettre en application des réglementations qui leur sont imposées sans qu'ils en voient vraiment la finalité. Et d'avoir un cadre systémique tel que le cadre des limites planétaires, ça leur a permis de prendre du recul pour voir l'intérêt finalement de telle et telle politique et le lien aussi entre, par exemple, la politique des forêts et la politique sur le changement climatique. Et d'autre part, ce qui est intéressant avec une échelle territoriale, c'est que le cadre des limites planétaires, on peut l'utiliser à deux niveaux. D'une part, en quoi est-ce que notre territoire il va contribuer à l'atteinte des limites planétaires, mais aussi en quoi le territoire va être affecté et quelles sont ses vulnérabilités et pour l'avenir, si on atteint les limites ou si on se rapproche des limites. Et aujourd'hui, typiquement avec le changement climatique, on le voit bien. Aujourd'hui, tous les agriculteurs du territoire, ils subissent les conséquences du changement climatique, justement, avec plus de sécheresse, des pertes de rendement, etc. C'est très très présent sur notre territoire aujourd'hui. Et c'est quand même intéressant d'avoir un cadre qui permet d'anticiper ce type de problématiques. Quentin Dassiba, peut-être un mot, puisque c'est effectivement des problématiques que vous évoquiez dans votre présentation sur finalement ce que je définissais au tout début de cette émission comme les limites de ces limites, finalement les limites de ce système à l'échelle du système Terre. Les limites sont nombreuses pour la modélisation. Notamment, moi, je m'intéresse particulièrement à la question des incertitudes qui sont liées au fait qu'on ne peut pas avoir une sonde derrière chaque pot d'échappement, une sonde derrière chaque installation thermique. Donc, on est obligé de faire des estimations sur, typiquement, si on reste sur la limite changement climatique, on est obligé de faire des estimations de ce que le territoire émet. Et ce qui est intéressant, c'est quand on compare la façon dont ces estimations estimations peuvent être faites à l'échelle globale et comment elles sont menées par les producteurs de la donnée locale, où on n'a pas du tout les mêmes règles et les mêmes procédures pour arriver à ces estimations, et notamment donc sur la question des incertitudes statistiques qui sont systématiquement documentées et qui font l'objet de discussions entre pairs dans la communauté scientifique sur le territoire. La nécessité de mettre en avant ces incertitudes, ne reconnaît pas la nécessité de mettre en avant ces incertitudes parce qu'il y a une nécessité d'action qui est complètement compréhensible, qui fait qu'en tout cas on change d'objet entre la certitude qu'on a à l'échelle globale de comment fonctionne le système et l'incertitude, mais qui ne dit pas son nom, à l'échelle locale. Et ce qui est intéressant par contre, c'est plutôt en termes de pédagogie que le cadre des limites peut servir sur un territoire, notamment parce qu'il permet de réinterroger les politiques qui sont déjà mises en œuvre et qui sont nombreuses à l'échelle locale. Sauf que ces politiques ne se font pas dans un cadre de soutenabilité environnementale absolue. C'est ce vers quoi tendent les limites planétaires, c'est-à-dire de comparer un objectif environnemental non pas à la première année où on a commencé à mesurer sur le territoire qu'il y avait un problème, donc de se dire on va faire mieux que l'année précédente, mais de comparer les performances environnementales du territoire à une cible qui fait référence environnementalement à l'échelle globale. Donc c'est cette mentalité qui est intéressante, mais plutôt en tant que cadre que qu'outil, en tout cas pour l'instant, qu'outil statistique vraiment affirmé. Oui. Une dernière question un peu en forme de conclusion peut-être, Aurélien Bouteau, puis j'aimerais vous entendre peut-être tous les trois, donc essayez si vous pouvez de répondre relativement brièvement. On voit bien que ces outils d'évaluation collectifs, globaux plutôt, se multiplient. On a le jour du dépassement qui est très populaire, qui fait toujours florès dans les médias, on en entend beaucoup parler. On a ces limites planétaires qui sont aussi des gros titres. On voit bien qu'on a un certain nombre d'indicateurs qui sont autant de drapeaux rouges pour augmenter, donc en tout cas la conscience collective qui, on a le sentiment, devient quand même de plus en plus globale de ce danger, de ce péril écologique qui menace. Mais et après cela, donc ma question finale, ce serait finalement ces limites planétaires. Bon, les aérosols dans l'atmosphère, comme vous le disiez au tout début, Aurélien Bouteau, c'est un peu une catégorie fourre-tout qui, pour le moment, n'est pas documentée parce qu'on ne sait pas très bien comment les quantifier. Donc, mais on se doute que petit à petit, bon, d'ici quelques années, toutes ces limites vont être franchies. Et quoi finalement, en fait, finalement, quelle est la finalité et comment est-ce qu'on peut transformer cet aperçu global en quelque chose d'opératif? C'est vrai qu'il y a une difficulté, c'est ça, c'est précisément ça. D'autant que le cadre des limites planétaires, il a été pensé dans une optique de prise de décision, parce que précisément, ce qu'il fallait, c'était faire passer un message auprès du grand public, auprès des décideurs, un message clair sur où on en est, enfin, quels sont les enjeux, où on en est par rapport à des limites à ne pas dépasser. Alors aujourd'hui, on commence à y voir plus clair sur le diagnostic avec toutes les limites qu'on a évoquées. Après, derrière, évidemment, il faut décliner ce diagnostic sous la forme de politiques publiques à différentes échelles. Et je crois que c'est une des grosses difficultés, c'est les différentes échelles territoriales. OK, il y a le local, mais on entend bien qu'il y a aussi une dimension internationale qui doit être prise en compte. Sur la biodiversité, sur le climat, c'est déjà le cas. Sur la couche d'ozone stratosphérique, on est précisément arrivé à agir dans les années 80-90 parce qu'on a mis en place des décisions à cette échelle internationale. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut arriver à retisser un petit peu du lien, se tourner vers les décideurs, aussi bien économiques que politiques, pour que ces outils, ces limites puissent être utilisées de manière plus pratique, plus pragmatique. On commence à avoir des déclinaisons assez opérationnelles sur le climat, la biodiversité, mais il faut développer sur les autres enjeux pour bien faire comprendre aussi la dimension systémique. On peut pas se limiter qu'à travailler sur le climat, parce que on peut mener des politiques qui sont complètement contre-productives et qui vont avoir des effets négatifs sur d'autres variables du système Terre. Je crois que c'est vraiment cette dimension-là qu'il faut arriver à faire comprendre maintenant. Natacha Gondran, pour conclure. Ce cadre, effectivement, et ses résultats appellent à des transformations très très fortes au sein de notre société, à la fois au niveau des systèmes énergétiques, de l'agriculture, du secteur forestier, par exemple. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il permet de mieux formaliser en fait notre dépendance face au vivant et au système biogéophysique. Et quelque part, moi, je trouve qu'il appelle à un changement un peu de notre relation à la nature, enfin, ou au vivant, de façon plus générale. générale. Et en ça, je le trouve assez opérationnel comme cadre pédagogique et comme outil de sensibilisation. À la fois pour le grand public, mais aussi, effectivement, comme le disait Aurélien, pour les décideurs. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'être venus nous parler, d'être venus expliquer, expliciter et interroger ces notions de limites planétaires. Merci, Natacha Gondran. Merci, Aurélien Bouteau. On peut vous lire dans Les Limites Planétaires, cette édition de La Découverte. Merci également à Quentin Dassiba. Bon courage pour vos travaux de recherche et merci à nos camarades de France Bleu, Pays de Savoie et de Saint-Étienne-Loire pour les duplex. La méthode scientifique, c'est Natacha Triou, Céline Le Annabelle Boucherquin, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfran, Mariam Ibrahim, Olivier Bétard à la réalisation, Anthony Thomasson à la technique. Et comme toujours, vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les autres depuis le début de la méthode scientifique en podcast sur l'application Radio France et en réécoute sur le site franceculture.fr. Et ce donc à tout jamais et jusqu'à la fin des temps, jusqu'à preuve du contraire. Acquired immune deficiency syndrome, or AIDS, le syndrome d'immunodéficience acquise, le sida, est une maladie qui touche les homosexuels. Mécanique des épidémies, collection de podcasts originaux de France Culture. Il apparaît au printemps 81 en Amérique du Nord. En 82, la maladie est désignée le sida. L'émergence d'une nouvelle pandémie, sa véritable origine, sa diffusion planétaire, les leçons que l'on peut en tirer. Mécanique des épidémies, saison 2, le sida, par Renaud Piaroux, sur franceculture.fr et l'appli Radio France.